j'attends, je guette. Nos regards attendris n'attendent qu'un geste. Les minutes passent, les heures se suivent. Les minutes passent, les heures se suivent. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Les rêves reviennent. Un éclat de rire du jour à deux. Te souviens-tu, longue est l'absence. Te souviens-tu, longue est l'absence. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. La vie revient, ton corps respire. Les deux mains serrées, nos pupilles se parlent. Un cri dans l'air, un petit homme. Un cri dans l'air, et tu existes. J'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends.